Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être ici aussi nombreux. Et bienvenue donc pour le premier rendez-vous de l'année de la Fabrique d'Admiration et d'Intermittence. Ces rendez-vous sont réalisés, cette fabrique est réalisée en étroite collaboration entre le Quai, l'Université d'Angers et l'Université catholique. Et le fruit, l'envie de ces, le projet, l'ambition, je ne sais pas comment dire, de ces rendez-vous est d'essayer de créer des points de rendez-vous, de points de rencontre, de friction, de frottement parfois entre la parole et la recherche universitaire. Et des gestes artistiques, voilà. Et nous cherchons toute l'année, au gré des rendez-vous, de faire des rencontres souvent, parfois à côté de spectacles que nous avons, parfois rebondissant sur des thèmes des spectacles ou sur des choses qui sont levées par les spectacles. C'est pour ça que cette année, il y aura notamment, vous verrez, 7 rendez-vous, dont c'est le premier, qui vont de rendez-vous sur le spectacle de la politique à des rendez-vous sur la nudité, notamment la nudité au spectacle, et voilà, au gré de l'année. Et je suis très heureux donc d'accueillir pour ce premier rendez-vous mes interlocuteurs que Jennifer va présenter et qui a donc lieu sur l'invention des mauvaises filles. Merci. Juste un petit mot pour remercier les différents participants au projet de ce soir, donc l'invention des mauvaises filles pour cette Fabrique 7. Tout d'abord David Niget et Véronique Blanchard, qui sont donc les deux intervenants universitaires de ce soir, mais aussi les deux co-auteurs de l'ouvrage « Mauvaises filles, incorrigibles et rebelles », publié aux éditions textuelles et que vous pourrez vous procurer donc à la librairie du Quai. Et que vous pourrez vous faire dédicacer à l'issue de la conférence. J'en profite également pour citer les jeunes filles du conservatoire du cycle 2 de la classe d'art dramatique du conservatoire à rayonnement régional d'Angers, qui vont accompagner les paroles savantes, que comme disait Frédéric, l'idée c'est toujours de proposer une friction entre paroles artistiques et paroles savantes. Ce soir, la parole artistique est portée par 8 jeunes filles du cycle 2 du conservatoire, dirigées par Stanislas Sofanor, leur professeur. Donc je remercie déjà Louise Daligo, Valentine Derinck, Elsa Duret, Julie Guillou, Natacha Mazet, Maria Moret et Zoé Houdin, qui vous proposeront des lectures tout au long de la conférence. Ensuite, cette fabrique a aussi la particularité de vous proposer une exposition, donc un geste non seulement théâtral mais également plastique. Cette exposition, on pourra l'inaugurer via un vernissage tout à l'heure à l'issue de la conférence avec un pot qui vous est offert. Cette expo, elle est visible au Quai jusqu'au 12 novembre. Elle a été créée par le CDN, par le Centre Dramatique National, grâce évidemment à l'aide de Véronique Blanchard et David Niget et à différents partenaires que David va citer ensuite. Et elle a été entièrement conçue et scénographiée par Solange Abaziou, que je tiens à remercier vivement ici chaleureusement, qui a fait un travail intense, voilà, pour cette exposition de retouches et un travail très, très ingénieux et très inventif. Et elle a été aidée par Jérôme Marpeau pour la réalisation de celle-ci. Cette expo sera en accès libre donc jusqu'au 12 novembre. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole, aux universitaires. Je vois Agnès qui fait des signes, mais non, c'est pas pour moi. Merci et bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Jenny. Je commençais par te rendre tes remerciements. Merci à Jenny Dodge donc et à Frédéric Bellé-Garcia pour leur accueil et ce fameux concept de la fabrique. Merci à Solange Abaziou aussi, que je tiens vraiment à remercier pour cette expo que vous allez voir, à la fois spectaculaire et intime, et qui est magnifique. Merci également à l'ensemble des équipes techniques ici au Quai. Merci à vous aussi. Merci. Je suis très heureux d'être. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Parmi ces ombres de l'histoire, que sont les mauvaises filles, pour reprendre le terme d'une historienne qui a fait la préface de notre livre, qui s'appelle Michel Perrault. Ces mauvaises filles, entre guillemets, sur lesquelles on va revenir, et sur le terme desquelles on va revenir, qui habitent maintenant pour quelques semaines ce forum et que vous allez pouvoir rencontrer. Ces mauvaises filles qui sont des ombres fugaces pour nous, les historiens. À travers les archives, c'est parfois difficile de les saisir. Et on va tenter avec vous ce soir d'en discerner les traits, d'essayer de repérer leur trajectoire et d'entendre leur voix à travers le temps, avec cet objectif, je crois, qui est de leur rendre la parole, d'une certaine manière. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici, à Angers, ce soir? C'est pas tout à fait un hasard. D'abord, l'ouvrage qu'on a fait avec Véronique repose finalement sur 30 ans de recherche, alors qu'on n'a pas fait, nous, hein, je vous rassure, mais qu'un certain nombre de collègues ont mené depuis déjà longtemps sur l'histoire de la justice ici à Angers, sur l'histoire de la justice des mineurs en particulier, des institutions de correction. Cette recherche, elle a été importante ici à l'Université d'Angers sur l'histoire pénale, l'histoire de la justice, l'histoire des jeunes. Il y a Jacques Petit, il y a déjà un certain nombre d'années, qui a initié les travaux dans la suite de ce qu'avait fait Michel Perrault. On peut citer également Éric Pierre, qui est professeur à l'université, qui est maître de conférence pardon, à l'Université d'Angers. On peut citer également les travaux de Pascal Quincy-Lefebvre, que je tiens à saluer d'une certaine manière ce soir et à qui je voudrais rendre hommage ce soir. Il y a également plusieurs programmes de recherche qui nous soutiennent ici à l'Université d'Angers, qui sont en cours. Le programme Enjeux, qui est un programme de recherche pluridisciplinaire sur l'enfance et la jeunesse, qui est piloté par Yves Denecher. Le programme Jedi, genre et discrimination, qui est piloté par Christine Barr. Et puis un programme qui s'appelle Jeunesse et sexualité transgressive, avec Naïma Hanafi. La jeunesse de ce moment qu'on va passer ensemble ici au Quai, passe aussi par la réalisation d'une première exposition qui est en quelque sorte la grande sœur de celle que vous allez voir ici pendant un mois, qui a été organisée par Véronique et l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Véronique en a été la commissaire en 2015 et cette exposition, c'est vraiment l'origine de ce livre, l'origine de cette manifestation ce soir. Ça a été un travail collectif, on était une quinzaine d'universitaires à réfléchir collectivement sur cette question de comment est-ce qu'on rend compte finalement de la trajectoire des filles jugées déviantes ou délinquantes du 19e siècle à nos jours. Et on doit beaucoup à ce travail collectif, on tient à remercier nos collègues qui ont monté cette première expo. Cette première expo, vous pourrez la voir sur le site de l'université à la Maison de la Recherche Germaine Tillon, début 2017. C'est une expo aux orientations beaucoup plus didactiques que celle-ci. Mais dans lequel il y a aussi matière à penser. Et puis le troisième temps de ce projet Mauvaise Fille, ça a été la rédaction avec Véronique du livre que vous connaissez peut-être ou que vous pourrez feuilleter tout à l'heure. Et c'est un travail bien plus collectif qu'il n'en a l'air hein, de faire un livre. Je voudrais donc remercier les éditions textuelles chaleureusement. Merci à Manon Lenoir qui est là ce soir et qui a suivi ce travail, à Marianne Théry qui est directrice des éditions textuelles et puis à Gaïa Marty également qui a suivi notre travail. Et puis finalement à l'ensemble de l'équipe qui a confectionné ce livre. Ça a été une très belle aventure pour nous. D'autres projets sont en cours, notamment une coopération active des historiens et des historiennes ici à l'Université d'Angers avec la Congrégation du Bon Pasteur, qui est familière dans le paysage angevin, mais qui est encore, je dirais, mal connue. Les Sœurs du Bon Pasteur se sont associées à nous pour cette expo, et je tiens à les remercier. Vous verrez, leur fond iconographique est magnifique. Et cette coopération va se poursuivre par un livre qui paraîtra l'année prochaine. Et puis finalement, ce que je voulais dire également, c'est que je crois qu'il est nécessaire d'ouvrir maintenant un débat public sur la question sensible et complexe de la prise en charge des adolescents, des adolescentes dans les années d'après-guerre en France, et qu'avec Véronique, on espère modestement et de notre position d'historien et d'historienne, je dirais, pouvoir y contribuer et faire en sorte qu'un dialogue soit possible entre tous les acteurs de cette histoire et nous en sommes tous finalement sur cette histoire difficile et notamment de permettre, me semble-t-il, et c'est important, à celles qui sont passées par les bons pasteurs ou les institutions publiques de rééducation de recouvrer non seulement leur mémoire mais également leur histoire, une histoire collective qui finalement nous concerne toutes et tous. Alors, pourquoi ce thème et que signifie ce titre un peu énigmatique, l'invention des mauvaises filles? Certains peut-être parmi vous ce soir sont choqués par cet intitulé. Et qu'avons-nous voulu dire finalement avec Véronique? D'abord, on a voulu réfléchir à la construction d'un regard social sur les filles qui sont qualifiées de mauvaises et dire très fort qu'il n'y a pas de mauvaises filles en soi, mais simplement des représentations, des discours moraux qui les stigmatisent et qui disent beaucoup finalement des angoisses de nos sociétés qui se cristallisent en quelque sorte sur elles. On a voulu justement s'interroger sur les critères selon lesquels des jeunes filles, souvent de classe populaire, sont étiquetées comme mauvaises. Qu'ont-elles fait finalement ? D'où viennent-elles ? Quelles réactions sociales suscitent-elles ? Quelles normes, et ça c'est important, ont-elles enfreintes pour être qualifiées de mauvaises ? Des normes sociales, des normes juridiques, des normes religieuses, des normes médicales. Bref, comment est-ce qu'on devient mauvaise fille et par quel processus ? Nous verrons que ces critères-là, justement, sont complexes, même si on va essayer de les présenter de manière assez fluide, je dirais, et qu'ils sont non linéaires. Certains sont variables dans le temps. On a assisté à certains moments à des phénomènes de panique et d'angoisse à l'égard des mauvaises filles. À d'autres moments, on peut dire quand même qu'il y a eu un certain nombre de progrès et de reconnaissance d'un certain nombre de droits. D'autres critères semblent être malheureusement assez invariants ou invariables dans le temps. On pourrait appeler ça des constantes anthropologiques de discrimination ou de domination. D'où la volonté d'essayer de saisir, à travers trois temps ou trois temporalités, c'est l'évolution de ces critères. D'abord, on évoquera dans un premier temps le temps des filles perdues, c'est comme ça qu'on les a qualifiées dans le livre. Alors évidemment, mettez des guillemets à perdues, bien sûr, c'est le terme du 19e siècle, donc des années 1840, où on commence à s'intéresser à la question de la délinquance juvénile jusqu'à la Première Guerre mondiale. On parle fréquemment de filles perdues. Le deuxième temps dans l'histoire, ce sera le temps des filles dites modernes, des années 1920 aux années 1965, où cette modernité est à la fois une évolution dans les mœurs, mais aussi un problème à gérer, et une peur de la société à l'égard de cette modernité des filles. Et puis le troisième temps, qui s'ouvre à partir des années 68 et la révolution féministe, c'est le temps des rebelles, mais d'une rébellion qui comporte aussi une forme d'émancipation, bien sûr, mais aussi un certain nombre de pièges, je dirais, avec des vulnérabilités sociales qui persistent et des droits qui doivent toujours, aujourd'hui encore, être défendus face à différentes formes de discrimination sexiste. Et puis finalement, ce qu'on voudrait faire véritablement ce soir, c'est ouvrir un débat avec vous pour faire résonner cette question dans l'histoire et faire résonner dans ce forum du Quai, pour réfléchir finalement à notre présent. Et également, j'évoquais cette question du débat public qui doit s'ouvrir. Je crois qu'on doit, on doit se confronter à cette question-là collectivement pour ne pas laisser finalement les gens concernés régler dans l'entre-soi un problème qui concerne finalement la société dans son entier, vous l'aurez compris. Et puis finalement, dans la démarche finalement de cet événement ce soir, on voudrait essayer, autant que faire se peut et sans aucune prétention ni de posture démiurgique, je dirais, faire entendre la voix des mauvaises filles à travers différentes interventions. Voilà, je passe la parole à Véronique. Oui, merci à tous d'être là. C'est très impressionnant d'avoir tant de monde devant soi, mais c'est en même temps aussi très rassénérant de voir que cette question des mauvaises filles, entre guillemets, et je les mettrai à chaque fois entre guillemets, bien sûr, vous intéresse, vous aussi nombreux et d'horizons, je pense, très, très variés. Alors, on va scander la soirée en temps chronologique. On est historien, on ne se refait pas. Donc, trois temps qui rythment le livre et qui vont rythmer notre soirée. On va donc commencer par le premier temps. Le temps, comme le disait David, des filles perdues, c'est comme ça qu'on les nommait, le temps qui va de 1840 à 1914, c'est-à-dire le 19e siècle, qui d'une certaine manière est peut-être un des pires siècles pour les femmes et pour l'émancipation des femmes, et où on a de manière très forte un archétype de la bonne fille. La bonne fille, à l'époque, on ne l'appelle pas la bonne fille, on l'appelle loi blanche. Et ça dit beaucoup de choses. Elle est pure, elle est innocente, elle est obéissante, elle est réservée et bien sûr elle est vierge, elle est blanche dans toute sa pureté. Et tous les interdits parentaux, familiaux vont peser beaucoup plus sur ces oies blanches que sur les jeunes garçons. Les interdits sont beaucoup plus nombreux sur les jeunes filles que sur les jeunes garçons au 19e siècle. Et on va même développer un certain nombre d'outils juridiques pour pouvoir contrôler ce corps féminin qui fait peur, ce corps féminin juvénile qui fait peur, on fera du coup un arrêt dans quelques temps, dans quelques secondes, sur la correction paternelle, premier outil très important de contrôle de ces oies blanches, et sur le vagabondage, et là, le délit de vagabondage. La crainte toute particulière qui anime les instances de contrôle, c'est bien sûr le fait que ces jeunes filles, si on les laisse sans surveillance, elles vont être toutes des prostituées. C'est beaucoup plus de l'ordre du fantasme que de la réalité, mais c'est ça qui inquiète et c'est ça qui fait que le contrôle est plus fort sur le corps des jeunes filles que celui des garçons. Une jeune fille, une oie blanche, ça peut bien sûr devenir mère, mais ça ne peut devenir mère au XIXe siècle que dans le cadre du mariage. Et toute jeune fille qui n'est pas mariée et qui a un enfant, alors ne peut plus être vécue comme une bonne mère. Elle devient forcément une fille perdue, et je reprends le mot perdue, une fille qui va donc être dans une sorte d'obligation, et là aussi... faisons attention au terme, mais certaines vont se retrouver dans l'obligation soit d'abandonner l'enfant, soit, encore pire, de le tuer, tellement il est difficile d'assumer d'être une fille mère au XIXe siècle. Pour ce qui est de la question de la délinquance, mauvaise fille et délinquance ne riment pas ensemble au XIXe siècle, et la délinquance des jeunes filles n'intéresse pas le social, la société, la famille au XIXe siècle, et ce n'est absolument pas ça qui fait qu'on qualifie une jeune fille de mauvaise fille. Quelle réponse face à ces oies blanches qui risquent d'être salies ? La seule, l'unique réponse au XIXe siècle, c'est l'enfermement. Et un enfermement très particulier, un enfermement monacal et carcéral. Il est décidé qu'il faut redresser ces jeunes filles de mauvaise vie ou en train d'aller vers le mauvais chemin. Et c'est donc l'enfermement qui sera la solution principale à la déviance des jeunes filles. Pour essayer d'illustrer ce que je viens de vous dire en quelques mots, on va s'arrêter l'un après l'autre sur la correction paternelle, sur le vagabondage et sur la prostitution, qui nous semblent pour la période les trois thématiques les plus importantes. Alors, la correction paternelle, d'abord, c'est Marie, le personnage de Marie dans l'ouvrage, qui sont, vous le verrez, des portraits qu'on a recomposés à partir d'archives. En partie fictionnelle, en partie fondée sur des archives. Donc Marie et la correction paternelle dans l'ouvrage montre bien que, comme le disait Véronique, la délinquance des filles au XIXe siècle est relativement invisible parce que le plus souvent, la déviance est réglée dans le secret des affaires de famille. Et le Code civil de 1804 permet ce règlement dans le plus grand secret des affaires de famille s'agissant des filles. Le Code civil de 1804 va reprendre un dispositif qui est un vieux dispositif d'ancien régime, qu'on appelait les lettres de cachet, et qui permet aux pères mécontents de leur enfant de les corriger. Et ça s'appelle, l'article sur la correction paternelle. Dans la pratique, cette mesure s'applique aux filles bien plus qu'aux garçons. C'est plusieurs milliers de filles chaque année qui sont enfermées sous ce titre de la correction paternelle, environ, on compte en 2/3 de filles qui font l'objet de ce type de mesure. Dans un face-à-face avec le juge, le père, un peu comme un magistrat domestique, vient demander qu'on enferme sa fille sans plus de justification finalement et sans aucune formalité d'écriture. C'est ce qui d'ailleurs en rend l'étude difficile pour nous puisqu'il n'y a pas de production d'archives très abondante. On ne sait pas exactement, puisque le père n'a pas à justifier, on ne sait pas exactement toujours pourquoi est-ce qu'il décide de faire enfermer sa fille. Alors on retrouve heureusement parfois des lettres rédigées par les parents, mais aussi parfois par les voisins ou par l'intermédiaire de l'écrivain public, puisque ce sont souvent des familles populaires qui ne sont pas toutes lettrées, des lettres envoyé au magistrat pour interpeller la justice et obtenir une audience. Et dans ces lettres, on entend la volonté des parents, bien souvent, de protéger la réputation de la famille tout autant, et même peut-être plus encore, que de protéger la jeune fille elle-même. Les filles, en effet, au XIXe siècle, sont une sorte, je dirais de manière un peu cynique, de capital social à préserver à tout prix. L'enfermement, justement, permet cela. Et le bon pasteur, par exemple, qui ouvre à Angers en 1835, va répondre à cette demande sociale. Il s'agit aussi, il faut le dire, de stratégies de survie de la part de certaines familles populaires, très précaires, car la correction paternelle permet aussi une prise en charge financière par l'État et pour les indigents. Et on voit un certain nombre de familles développer des stratégies en temps de crise pour faire placer leurs enfants et leurs filles en particulier dans des institutions aux frais de l'État et attendre que finalement les choses s'améliorent d'une certaine manière. Sauf qu'une fois que l'engrenage, que le doigt est mis dans l'engrenage, c'est souvent difficile pour les familles de récupérer leurs enfants placés en institution par la justice. Bref, vous voyez un système assez pesant, assez, univoque, dans lequel on entend très peu finalement la voix des acteurs et la voix des filles. Et il faut mentionner et rappeler que cette mesure de la correction paternelle, qui nous semble vue d'aujourd'hui assez archaïque, héritée d'anciens régimes, eh bien cette mesure, elle a fonctionné sous différentes modalités, mais elle a fonctionné jusqu'en 1958. Ensuite, l'autre norme très importante, c'est la loi pénale, là pour le coup, sur le vagabondage. Dans le code pénal de 1810, on pénalise le vagabondage des mineurs. Il est interdit de vagabonder. Alors vous me direz, mais c'est quoi vagabonder ? Vagabonder, selon les termes de la loi, c'est être sans ressources, sans travail et sans logis. On imagine finalement assez peu les enfants concernés par cette loi, hein, puisque d'abord tous les enfants n'ont pas obligation à travailler, beaucoup ont des domiciles, même dans les catégories les plus populaires, et pourtant cette loi en vagabondage, contre le vagabondage, va toucher les enfants, va toucher les mineurs de manière extrêmement fréquente, et là aussi plus les filles finalement que les garçons, et elle va toucher les enfants et les jeunes filles en particulier, parce qu'elle est assez floue, cette loi, et que la justice va bien se préserver de la préciser. Donc être sans ressources, être sans travail, être sans logement, ça peut être une jeune fille qui vend des fleurs pour ramener l'argent à la maison le soir, à partir du moment où elle est dans l'espace public, où elle mendie, où elle vend des petits bouquets de fleurs, elle peut être considérée comme une vagabonde, et c'est le cas de notre jeune Élise dans l'ouvrage que nous avons écrit. Pour les garçons, le vagabondage fait peur parce que le gamin de Paris, Gavroche, peut être un élément de désordre public. Il peut même brandir le poing, monter sur les barricades. Et puis en plus, le petit vagabond, très souvent, il chippe, il vole, et donc il peut devenir un voleur. Les jeunes filles, elles, si leur errance, si leur mobilité dans la voie publique dérange, c'est pour les mêmes raisons, on cessera de le répéter, hein, c'est toujours cette idée, hein, qu'il faut contrôler le corps de la jeune fille, qu'il faut contrôler ses fréquentations, et que sa place à elle est dans l'intérieur, dans le domicile, et absolument pas sur l'extérieur, avec la crainte en plus que si elle est dans l'espace public et qu'elle est vagabonde, alors elle, très vite, elle pourra devenir une prostituée. Donc cette mobilité féminine effraie particulièrement, elle ne correspond pas aux normes de genre, à ce qu'on attend de loi blanche, et donc, là encore, le délit en vagabondage va permettre d'enfermer de très nombreuses jeunes filles dans cette catégorie de petites vagabondes, et ce, on le redira tout à l'heure, jusqu'en 1935, puisque jusqu'en 1935, être une vagabonde, être un vagabond, est un délit en France pour les mineurs. Alors justement, le troisième grand problème, je dirais, des filles des classes populaires au XIXe siècle, c'est la question des mœurs, la question de la moralité sexuelle, la question de la prostitution, même s'il faut se méfier de ce terme prostitution qui semble un peu un archétype, là où en réalité on constate des situations bien plus floues entre des situations d'errance, de prostitution occasionnelle et de stratégie temporaire chez les mineurs, chez les filles des classes populaires. Mais c'est souvent le terme de prostitution, c'est la grande peur et la grande obsession du 19e siècle qui est mis en avant par les observateurs, par les moralistes, je dirais, au 19e siècle. En France, il faut rappeler qu'on a un système particulier au 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle de gestion de la prostitution. C'est un système qui est qualifié de réglementariste. qui pose le principe que la prostitution est tolérée, en fait, et encadrée, elle est réglementée, d'où son nom, au niveau municipal. C'est-à-dire que chaque municipalité a un règlement s'agissant de la prostitution, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on la gère. L'objectif de ça, c'est principalement la gestion des risques sanitaires, et la prévention des maladies vénériennes, et en particulier la syphilis, qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, est encore une maladie incurable. Les filles sont donc... les prostituées donc, sont donc encartées, comme on dit. Elles ont une carte qui leur est délivrée par les services municipaux ou par la préfecture de police à Paris. Et cette carte sert en particulier à suivre leur dossier médical. On les envoie au dispensaire pour faire des tests antivénériens régulièrement. Alors, au XIXe siècle, il n'y a aucune règle précise, finalement, qui ne donne un âge minimal pour l'inscription des jeunes filles sur les registres sanitaires. Et il y a là aussi un flou juridique tout à fait révélateur, c'est-à-dire que ce flou-là n'a jamais été réglé, là où pourtant le XIXe siècle, je dirais, a une obsession pointilleuse du règlement. Sans doute est-ce là une forme d'hypocrisie. Néanmoins, on constate que la Cour de cassation admet dans la pratique qu'une mineure ne peut pas être mise en carte ou encartée avant l'âge de 16 ans. Voilà. Donc c'est plus ou moins dans la pratique, autour de 16 ans, que se situerait la majorité sexuelle et en tout cas le droit de se prostituer. Mais en réalité, quand on regarde les pratiques sociales, et c'est ce qu'on fait nous, historiennes, historiens, il existe énormément de fraudes. La police des mœurs est connue pour être très largement corrompue. Et donc, on a un certain nombre de jeunes filles qui n'ont évidemment pas 16 ans, qu'on retrouve dans les maisons closes au XIXe siècle, sans être déclarées. Et dans certaines maisons de luxe, d'ailleurs, c'est même une spécialité que d'avoir des mineurs de 16 ans. Mais cette prostitution des mineurs est, par un certain nombre d'observateurs sociaux, d'autant plus décriée qu'elle est considérée comme dangereuse, de plus en plus quand on avance vers la fin du XIXe siècle. Puisque les fillettes ne se font pas dépister, comme on dit. Et puis, on dit également, on retrouve ce discours-là, on dit que leur corps juvénile, d'apparence saine et désirable, est un piège pour les hommes. Évidemment, on ne pose jamais la question de la lubricité des hommes dans cette affaire. Donc, les opposants à la prostitution, qu'on appelle les abolitionnistes, parlent plus vers la fin du siècle, du XIXe siècle, de fléau moral qui apporterait ce qu'on appelle la dégénérescence de la race. Les termes sont quand même assez éloquents au XIXe siècle, dans un contexte effectivement populationniste où il s'agit de peupler la nation et où il faut faire en sorte que la reproduction humaine soit de plus en plus contrôlée. Et donc ces abolitionnistes vont progressivement instrumentaliser la prostitution des mineurs pour en faire une cause, d'une certaine manière. Et c'est dans ce contexte, à la fin du XIXe siècle, que naissent des rumeurs, des scandales, des campagnes de presse, des romans populaires étiquetés sous la formule accrocheuse de « traite des blanches ». On parle de la traite des blanches pour parler de la prostitution des jeunes mineurs. Et ça nous raconte quoi, cette histoire de la traite des blanches ? C'est que des jeunes filles seraient enlevées contre leur gré et forcées à la prostitution dans les grandes villes du sexe, si j'ose dire, Paris, Londres, bien sûr, New York aussi, Buenos Aires, qui est une grande capitale de la prostitution à la fin du XIXe siècle. Quand on y regarde d'un peu plus près, aucune preuve sérieuse que ces réseaux mafieux existent n'a été apportée par des historiens et des historiennes. Et finalement, cette peur panique de la traite des blanches qu'on va revoir reprise jusque dans l'entre-deux-guerres et qui revient même aujourd'hui sous cette certaine forme à différentes occasions, eh bien, cette peur atteste plus, me semble-t-il, d'abord du souci de contrôler les filles, du souci de la moralité des jeunes filles, comme le disait Véronique, et puis atteste aussi d'une possible instrumentalisation de l'enfance dans les politiques populationnistes, ce que Michel Foucault appelait la biopolitique, cette volonté de contrôler les populations croissantes de la part des États occidentaux du XIXe au XXe siècle. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on nous voit passer, provocantes, offrant du bonheur aux passants. Ainsi que toutes les femmes, nous avons une âme, un cœur pour chérir. Pourtant, nul ne s'en inquiète. Nous ne sommes faites que pour le plaisir. Les hommes ne nous aiment pas pour nous, mais pour eux. Ils sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Quand l'instinct les guide, que cherchent-ils en nous ? Une étreinte rapide et c'est tout. Quand de nos caresses, ils ont payé le prix. Bien vite, ils nous laissent d'un air plein de mépris. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour eux. Monsieur le procureur de la République, les sous-signés habitants le quartier neuf du Soleil, commune de Saint-Étienne, ont l'honneur de vous exposer que Marie, âgée de 10 ans, fille naturelle de Henriette Rival, épouse de François Chapelon, est tellement portée au vol que malgré la surveillance et les corrections de ses parents, elle commet chaque jour quelques nouveaux vols chez les voisins qui, par mégarde, oublient de fermer leurs portes. Ainsi, il lui est arrivé de voler en une seule fois une somme de 120 francs, et cela avec tant d'adresse que les plus adroits voleurs en seraient surpris. En conséquence, les sous-signés ainsi que les parents de cet enfant, qui sont dans la désolation au sujet de ces mauvaises dispositions, vous prie très humblement de donner vos ordres pour faire arrêter cet enfant et la faire fermer dans une maison de correction, pour qu'un jour, étant devenue meilleure, elle soit utile à la société au lieu d'en être le fléau. Les sous-signés, pleins de confiance dans votre justice, espèrent que leurs vœux seront exaucés. Au Soleil, le 6 mai 1873. Signé Monsieur Charat, Madame Perrier, Madame Barbier, Monsieur Grange. Code civil de 1804, titre 9 de la puissance paternelle, article 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de 18 ans révolu. Article 375. Le père, qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants. Article 376. Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans commencé, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois. Et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Article 377. Depuis l'âge de 16 ans commencé jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant 6 mois au plus. Article 378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Saint-Étienne, le 1er mars 1886. Monsieur le Président du tribunal de Saint-Étienne, Loire. Je viens vous prier de fermer ma petite Benoîte Bajard, de manière qu'elle ne puisse plus déranger. C'est la seconde fois qu'elle quitte la maison, et je désespère de pouvoir la tenir dans le bon chemin. La première fois, elle est restée dehors plus de 2 jours. Et cette fois-ci, 5 jours. Je vois bien que je suis dans l'impossibilité de rien en faire de bien. Je suis veuf, obligée de tenir ma journée. Ainsi, c'est à mon grand regret que je me vois obligée d'en arriver là. Dans l'espoir que vous prendrez ma demande en considération et que vous me le ferez le plus tôt possible, je suis, Monsieur le Président, votre obligé et dévoué serviteur, Bajard Jean-Baptiste. Grande rue du Soleil, numéro 89. Le procureur de la République, attendu que l'information suivie, à raison du double assassinat et vol commis à la varisole, à l'instruction, a révélé les habitudes de vagabondage et l'inconduite grave de la nommée Bajard Benoite, est d'avis qu'il y a lieu d'ordonner la détention de cet enfant par voie de correction paternelle. Saint-Étienne, le 2 avril 1886, le procureur de la République. On va passer à un deuxième moment dans ce déroulé, le temps des filles modernes, et on entre dans le XXe siècle, les années 1920 jusqu'aux années 1960. Alors, rapide survol de cette période s'agissant des filles, on peut dire qu'elles réussissent à conquérir une certaine forme d'autonomie. Et la Première Guerre mondiale a libéré d'une certaine manière du carcan familial et un certain nombre de femmes et un certain nombre de jeunes filles. Une certaine autonomie financière, une participation possible à un certain nombre de loisirs urbains. Mais cependant, les normes à l'égard des adolescentes restent extrêmement strictes concernant leur moralité, pardon, leur indépendance, leur émancipation. Et elles sont considérées, finalement, dans ces années-là, comme autant d'indices d'une dangereuse modernité. Et peut-être que jamais, autant que dans ces années 20-60, l'écart n'a été aussi grand entre les pratiques sociales plus libres de la part des jeunes filles et les normes juridiques, les normes sociales, les normes familiales en particulier. Donc le risque est grand pour les filles à jouer le jeu de l'autonomie et de l'émancipation. Et pourtant, le changement social est en marche d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on considère, pour les avoir observées de près avec Véronique, qu'elles sont actrices du changement social, véritablement. Que d'une certaine manière, elles sont à l'avant-garde d'un certain nombre de pratiques nouvelles pour les femmes. Mais qu'en même temps, elles sont victimes d'un ordre moral qui revient toujours et de manière très genrée, imposant le pouvoir au corps féminin. Ce mouvement de balancier, entre cette émancipation possible et puis ce retour de l'ordre moral, on le retrouve dans chacune des thématiques qu'on a choisi de vous présenter pour cette période-là. Par exemple, les filles mères, qui étaient véritablement des filles perdues au XIXe siècle, peuvent possiblement, au XXe siècle, garder leur enfant. Mais on va voir que ça se fait sous une surveillance accrue de la part de l'assistance publique qui cherche à savoir vraiment comment elles vivent. On va voir que les vagabondes ne vont être moins surveillées d'une certaine manière. En tout cas, le vagabondage cesse d'être une infraction pénale à partir de 1935, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, le vagabondage va rester un critère d'intervention du juge des enfants qui va apparaître dans les années 40 comme une forme d'intervention à la justice civile pour le coup. Et lui permettre à ce juge des enfants de contrôler la mobilité des jeunes filles. Sur le plan moral, la question de la prostitution demeure bien évidemment un tabou, elle demeure intolérable et elle est de plus en plus combattue par un certain nombre de ligues de vertu qui font en sorte que les filles sont parfois prises entre deux feux, si j'ose dire, entre la police d'un côté et puis les entrepreneurs de morale, comme on les appelle parfois, de l'autre. Et puis enfin, la délinquance ordinaire, le vol en particulier, qui se développe progressivement avec l'apparition de la société de consommation, mais reste finalement assez invisible, assez minimisé par rapport aux questions morales. Chose importante de ces années-là également, dans les institutions de rééducation, dans les maisons de correction, dans les bons pasteurs, pour la première fois, les jeunes filles cloîtrées vont se rebeller. Et les archives, ça nous le montre très clairement, on va vous en parler. Pourtant, ces rébellions sont rarement prises en compte comme une forme d'autonomie, comme une parole réelle. Elles ne sont pas considérées d'une manière politique, je dirais. Elles sont toujours rabattues sur des comportements pathologiques, sur des comportements de victimes et jamais considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une parole de rébellion. Alors, pour cette période, on a choisi trois grands thèmes et, pour essayer d'appuyer sur d'autres thématiques que la première période. Donc, les trois grands thèmes seront la délinquance, le vol, parce qu'il y a des petites voleuses dans Les Mauvaises Filles. On regardera aussi la question de la rébellion, comme vient de le dire David, dans les institutions en particulier. Et puis, enfin, la question de la folie qu'on a citée. Nommée perversité et idées suicidaires pour les années qui vont des années 30 aux années 60. Et à chaque fois, on va développer ces trois thématiques. Alors, je vais commencer par la délinquance et le vol. La petite voleuse, elle s'appelle Janine. Dans notre livre, il y a des jeunes filles, bien sûr, qui vont voler, surtout que, comme vous l'a dit David, l'après 1945, par exemple, c'est la société de consommation, c'est les grands magasins, c'est l'envie d'avoir des choses qu'on ne peut pas parfois obtenir, tout simplement parce qu'on est obligé de donner sa paye quand on travaille, quand on est une jeune fille, à la mère de famille ou au père de famille, et qu'on n'a pas toujours de l'argent pour acheter ce qu'on aimerait acheter. Donc il va y avoir de nombreux jeunes filles qui vont être amenées à un moment ou à un autre à voler dans les grands magasins, dans les magasins, parfois chez les patrons, les patronnes chez qui elles travaillent. Elles passeront parfois, pas toujours, devant la justice des enfants. 2 février 1945, naissance de la justice des enfants telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la mise en place des juges des enfants, des éducateurs, des éducatrices. Donc elles vont passer devant le juge des enfants et la plupart du temps, le juge des enfants s'intéressera très peu à la problématique des petites voleuses, sauf si on découvre que la petite voleuse a des mauvaises fréquentations. Sauf si on découvre que la petite voleuse a déjà eu des relations sexuelles. Alors là, ce n'est pas du tout le fait d'avoir volé un soutien-gorge ou un rouge à lèvres qui va poser problème à la justice des enfants, mais c'est bien le fait que cette jeune fille ne respecte pas, comme vous l'a dit David, les normes qui sont encore extrêmement importantes à l'époque. Donc, une petite voleuse intéresse la justice des enfants essentiellement quand on peut aussi lui reprocher d'autres choses dans le cadre de son suivi. Et c'est comme ça que finalement la petite voleuse disparaît au profit de la fugueuse ou d'autres figures de l'époque. Alors, autre figure de l'époque, la rebelle. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction de cette partie, les années d'entre-deux-guerres voient les filles des classes populaires conquérir difficilement, il faut le dire, une première forme d'autonomie. Elles travaillent plus souvent à l'extérieur, elles touchent un petit salaire qu'elles tentent de conserver en partie, elles essayent de profiter des loisirs urbains, elles vont à la foire par exemple, elles essayent de s'affranchir du regard familial. Les effets de l'instruction primaire se font sentir également. Les jeunes filles écrivent de plus en plus leur journal intime, des lettres aux amis, des lettres à leurs petites amies, autre forme possible d'émancipation et d'autonomisation. Elles incarnent donc une certaine forme de modernité. Elles commencent à secouer le joug paternel et patriarcal, finalement. Mais cette voie de l'indépendance, on l'a dit, elle est étroite. Leur velléité d'émancipation suscite des rappels à l'ordre. Et pour la première fois, ces filles du peuple se rebellent et font entendre leur voix. Rébellion contre la famille, qui recourt souvent à la justice des mineurs, justement, réinventée dans les années 40. Cette justice des mineurs qui, beaucoup plus systématiquement que pour les garçons, il faut le dire, fait enfermer les filles dans des institutions privées, on l'a déjà mentionné, mais aussi publiques. Alors, un petit point sur ces institutions publiques. Donc ces institutions pour filles ouvertes par l'État, dont vous avez derrière vous par exemple une image, elles sont sévères, peut-être plus sévères encore que certaines institutions privées comme les Bons Pasteurs. Elles sont très carcérales. Ce sont les institutions de Cadillac en Gironde, de Doullens dans la Somme et Fresnes. La prison de Fresnes, en région parisienne, qui comportait un quartier mineur. Pardon. Du coup, je te coupe. Juste pour dire le nom de ces établissements, parce que je pense qu'il est très important pour comprendre tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Elles s'appellent des écoles de préservation. Tout à fait. Et La discipline est stricte, donc, dans ces établissements. Le travail harassant, l'instruction quasi absente, les relations personnelles quasi proscrites, et notamment ce qu'on appelle les amitiés particulières dans ces institutions, qui est un terme pudique pour désigner les relations homosexuelles. Événement majeur dans l'histoire, les invisibles vont se révolter contre cette injustice et les institutions publiques sont le théâtre de mutineries dans les années 1940. Les filles séquestrent le personnel, fabriquent des barricades, chantent des chansons paillardes, brisent tout, montent sur le toit. C'est un motif régulier, ça, des révoltes carcérales, monter sur le toit. Elles font la foire, comme on dit, dans les rapports d'inspection. Les gendarmes souvent interviennent pour mater les insurrections. Et dans les rapports d'enquête, dans la presse, là non plus, pas de lecture politique de ces mouvements, mais le lexique de la pathologie, de la violence aveugle, de la sorcellerie. Je vous cite quelques coupures de presse. À Fresnes, 77 détenus ivres d'alcool et d'éther lapident les gardiens et brisent les vitres au cri de « Vive la liberté ». Autre coupure. Ivres de vin et de sang, les filles terminent leur sabbat au dépôt. On est là, évidemment, vous le constatez, face à un déni de reconnaissance de la capacité des filles à se révolter et à tenir une parole de revendication. Et on est tellement dans l'impossibilité de penser la révolte, la rébellion de ces jeunes filles, qu'on va les basculer du côté de la folie. Et c'est le dernier ton qui nous semble très important, c'est qu'une jeune fille violente, une jeune fille qui se rebelle, une jeune fille qui dit son malaise, hein, parce que c'est aussi des jeunes filles qui ont à dire des choses sur les difficultés à vivre, sur les difficultés familiales, sur les difficultés qu'elles ont à rencontrer, l'expression de cette souffrance, de cette douleur, de cette colère est perçue par les autorités, par la justice, par la famille, par la société, comme de la folie. On ne la met pas sur le même registre que la violence masculine. La violence masculine, c'est normal, c'est viril, c'est totalement attendu des hommes et des garçons. Les femmes, les filles, elles ne peuvent pas être violentes. Nous ne sommes pas violentes, nous sommes maternelles, douces, n'est-ce pas? Les jeunes filles n'ont pas accès, dans le regard des autres, à cette violence. Et si elles sont violentes, c'est qu'elles ne se maîtrisent pas. C'est que leur corps ne leur appartient plus. C'est qu'elles sont folles. Au XIXe siècle, on dit qu'elles sont hystériques. Au XXe siècle, on va dire qu'elles sont perverses, qu'elles sont suicidaires, qu'elles sont dépressives. Et les institutions dans lesquelles elles se rébellent, ou les familles à l'extérieur, quand elles vont dire ou manifester leur colère, vont les qualifier de folles et vont donc décider qu'il ne s'agit absolument pas de les mener à la justice des enfants pour les punir de leurs faits de violence, mais qu'il faut les faire rencontrer le médical, le médecin, la figure du psychiatre, qui, lui, saura maîtriser ce corps immaîtrisable, hystérique, fou, pervers. Et donc, ces jeunes filles, si elles ne viennent pas ajouter des bâtonnets aux statistiques de l'enfermement carcéral, elles viennent malheureusement ajouter des bâtonnets aux statistiques de l'enfermement psychiatrique, qui est, lui, s'inédier. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui se rebelle dans une institution qu'on va qualifier de folle et qu'on va faire voir à un psychiatre peut se retrouver du jour au lendemain dans un hôpital psychiatrique et là, il n'y a plus de fin de mesure. Donc, il est vraiment très important pour nous de montrer à quel point la question de la violence, de la souffrance, de la manifestation de cette souffrance et de cette colère n'est pas traitée dans les mêmes registres que pour les garçons et envoie de très nombreuses jeunes filles dans le cadre médical, psychiatrique des asiles et des hôpitaux, et ce encore dans les années 1950-1960, puisqu'il y a une impossibilité à penser autrement la violence et la souffrance au féminin. Mon portrait caractéristique consiste à mon avis en ceci. J'ai le visage de forme ronde, des cheveux châtain foncé, souple et fourni. Mes yeux sont de la couleur de mes cheveux. Mais quand on les regarde de près, moi seule le sais, ils sont de couleur noisette, mélange de vert pâle. Mon nez est encelé et carré au bout. Il est d'ailleurs très laid. Mes lèvres sont légèrement effilées. Centre d'accueil et d'observation de Chevilly. Résumé de synthèse. Du 28 avril 1955. Intelligence tout juste moyenne. Niveau mental 12 ans et demi. Aptitude manuelle moyenne. En observation à Chevilly, où elle est entrée le 19 janvier 1955 par mesure de correction paternelle. Les préoccupations sexuelles sont assez importantes, mais s'associent à l'amour-sentiment. Christiane est à vrai dire très sentimentale. Elle a eu de nombreuses amourettes, mais n'aurait eu ses premiers rapports sexuels qu'à 17 ans, avec celui qu'elle considère comme son fiancé et dont elle est enceinte de 4 mois et demi environ. Prélèvement vulvaire et sérologie négatif. Image thoracique normale à la radioscopie. Signé Dr Lemoyle. Le 19 janvier 1955. Mon cher petit René chéri, je t'écris ces quelques mots pour te donner de mes nouvelles, qui ne sont pas très bonnes pour le moment. Comme tu le sais, j'attends un enfant de toi pour le milieu du mois d'août. Donc, je suis enceinte de 2 mois passés, et ça se voit. Donc il faut que tu remplisses ton devoir. C'est de venir annoncer la nouvelle à ma mère, le plus tôt possible. Car au bout de 2 mois, il faut le déclarer aux assurances sociales pour toucher la prime de maternité, qui monte, je crois, à 60 000 francs. Et ça me servira à élever notre enfant du mieux possible. René chéri, tu sais ce que je t'ai dit au sujet de l'accouchement. Si vraiment tu m'aimes, René, tu dois me sauver. Et non me laisser mourir. Après que tu m'auras sauvé la vie, tu pourras me laisser tomber. Ça m'est égal. Moi, je garderai l'enfant. Et je t'interdirai de le voir, si jamais tu me laisses tomber. Et je t'assure que ça te fera de la peine de savoir que tu vois un fils ou une fille et que tu ne le connaîtras jamais. Tu ne verras même pas une photo. Car moi, je m'en irai quelque part. Et je le dirai seulement à ma mère. Mais rassure-toi, elle ne te dira pas où je serai. J'espère, René chéri, que tu le reconnaîtras, comme tu me l'as promis. Je conçois à mon idée mon portrait physique comme ceci. Je mesure 1m56, je pèse 51,6 kg et je suis assez rondelette d'apparence. Mon visage est rond, les yeux ronds, marrons et rêveurs. Ma teinte de cheveux est châtain cendré. Ma bouche est petite et bien dessinée. Mon nez est petit, légèrement retroussé. Mes sourcils sont à peine visibles tant les poils en sont clairsemés. Mes cils sont assez longs, mais non recourbés. Mes oreilles sont minuscules et assez agréables à regarder. Mon corps est assez bien proportionné. J'ai pas trop de poitrine, pas trop de hanches, une taille qu'on dit assez fine. J'ai de bonnes cuisses, de longues jambes et de petits pieds. Mes mains sont petites et pas taudes. Quant à mon portrait moral, le voici. Je suis une jeune fille assez égoïste, mais j'ai pourtant un cœur excellent. Je suis douce et pourtant impulsive. Je suis d'un tempérament rêveur, imaginatif. Je suis lymphatique et pourtant très nerveuse. Presque tout n'est qu'un contraste chez moi. Et j'aime assez cette indépendance. Et pourtant, j'aime qu'on me donne de très bons conseils que j'appliquerai sans vouloir leur connaître. Mais je sais que dans le fond de moi-même, je ne suis pas du tout une mauvaise fille. Et que le temps acquis, je comprendrai les bonnes et mauvaises choses. Centre d'accueil et d'observation de Chevilly. Résumé de synthèse, 31 mars 1955. Simone, 13 ans, 10 mois. Bonne intelligence, niveau mental 14 ans, 7 mois. Niveau scolaire de la 5e secondaire environ. En observation à Chevilly, où elle est entrée le 25 janvier 1955 pour vagabondage. Avec 2 de ses camarades du lycée de Reims, où elle était interne, Simone avait entrepris de faire un grand voyage à travers le monde. À côté de son imagination très développée, Simone possède un fond de caractère difficile, compliqué de troubles de l'adolescence. Le fond caractériel est fait essentiellement de besoins d'affirmation égocentrique de soi dans l'opposition, de réactions agressives sous forme de taquinerie, poussées quelquefois très loin jusqu'à être méchante, et d'un flegme qui a été noté par ses éducateurs depuis toujours, et dû sans doute à l'hérédité paternelle. Le père naturel est anglais. Mon portrait, le voici. Pour commencer, je vais vous dire que j'ai 14 ans et demi. Je suis assez désobéissante. Sans compter que je suis farceuse. Mes goûts sont simples. J'aime la vie, aller au cinéma et surtout aller au bois. Ou bien sur les bords de Seine, parce que c'est un endroit romantique, en toutes les saisons. C'est joli, même en hiver, que les arbres sont dépouillés. On y trouve tout de même un charme. Cela, c'est pour les sorties. Maintenant, pour manger, je ne suis pas difficile. Je ne suis pas très grande, ni trop grosse. J'adore ma maman, et j'aime bien mon papa. Pour l'instant, je suis loin d'eux. Et bien que je ne suis pas trop difficile, pour une fois, je ne suis pas très contente. J'ai oublié de vous dire au commencement où j'étais née. Eh bien, je suis venue au monde à Madrid, en Espagne, en 1938. Et je suis venue en France à 4 mois. Cela, bien sûr, ne vous intéresse pas. Mais je tiens quand même à le mettre dans mon portrait. Les goûts pour m'habiller sont simples. J'aime être bien mise et, si possible, être à la mode. Mais comme mes parents n'ont pas les moyens de me vêtir suivant la mode, eh bien, je me contente de ce que j'ai. Mais sur ce point-là, je n'ai pas à me plaindre parce que je suis bien habillée. Mes défauts sont d'être bavarde, vouloir toujours chahuter et embêter ma maman. Mes qualités, le théâtre, le dessin, la compréhension envers les autres. Je suis pas méchante, à condition qu'on me cherche pas. Et surtout, je n'aime pas la solitude. Surtout loin de ma mère. Centre d'accueil et d'observation de Chevilly. Résumé de synthèse, le 12 mai 1955. Intelligence légèrement au-dessus de la moyenne. Niveau mental, 14 ans et 4 mois. Liliane n'est pas dépourvue d'émotivité. D'autre part, elle est instable, fantaisiste. S'il existe quelques tendances dépressives chez elle, elles sont bien légères. Et la tentative de suicide que Liliane a fait après une déception sentimentale participait pour une large part d'un souci spectaculaire. Signé Docteur Lemoyle. Faire mon portrait. Il est bien difficile de faire son portrait soi-même, car on a toujours tendance à l'embellir. Non mais je vais être franche, ça n'arrive pas souvent. Physiquement, voyons, prenons un miroir et regardons-nous. Ce n'est pas bien beau, enfin, je suis comme je suis. Dans l'ensemble, pas désagréable à regarder. Quelle prétention. Cheveux noirs, courts, ondulés, retombant avec grâce sur les côtés du visage, front normal, sourcils bien arqués et fournis. Yeux tantôt bleus, tantôt gris, où ils sont changeants avec le temps et avec mon humeur. Mon nez. Oh, ne parlons pas de mon nez. Quel monument. On dirait l'arc de triomphe sur la place de l'Étoile. Que c'est bien dit. Non, mais il est une maxime qui dit « Vilain nez ne départ pas belle figure ». C'est vrai, sans être jolie, j'ai encore assez de charme pour plaire. Bon, continuons. Bouche assez grande, lèvres épaisses, et comme dirait quelqu'un, je ne vous dirai pas qui n'a, elles sont sensuelles. Si je portais des chaussures italiennes, il ne faudrait pas m'énerver. Un coup de pied bien placé et vous irez vite et loin. Pour le physique, je ne vois rien de plus. Non mais dites donc, faut-il vous faire une fille signalétique maintenant? Est-ce pour une agence matrimoniale? Non merci, vous êtes gentille, mais c'est déjà fait. Passons au caractère moraux. Sans être une jeune fille parfaite, je suis très gaie de caractère, ça serait malheureux à mon âge, quoique quelquefois lunatique. On le voit à mes yeux, je suis très distraite et l'air toujours dans la lune. Comme grand défaut, oh là là, je voudrais vous le cacher, mes enfants. Disons ce qui est, mais c'est un secret entre nous. Je suis quelquefois une fille effémenteuse qui tient tête froidement, même quand on me démontre la vérité. À part cela, je suis gaie, spirituelle, assez intelligente, c'est ce qu'on m'a dit en classe. Et je n'ai plus de place. Apportez-moi une autre feuille, s'il vous plaît. Centre d'accueil et d'observation de Chevilly, 17 janvier 1953. Examen psychiatrique, Toinette, 14 ans et demi. Intelligence moyenne, niveau mental, 12 ans, 3 mois. Aptitude manuelle moyenne, mais il y a lieu de noter qu'Antoinette subit l'épreuve avec un enthousiasme relatif et qu'elle est bien douée pour le dessin. Le fond caractériel d'Antoinette est du type hypomaniaque, avec moments brefs de dépression. La subexcitation domine indiscutablement le tableau. Antoinette est sans cesse en mouvement, volubile, familière, très à l'aise. Les troubles affectifs ajoutent leur action dans le même sens, créant un comportement très en dehors. Égocentrisme très développé, désir de se faire remarquer, mythomanie, caprice, comédie, tout est au service d'un véritable exhibitionnisme de la personnalité qui va jusqu'à l'exhibitionnisme devant soi-même, jusqu'au narcissisme. Signé, le docteur Lemoal. 21 janvier. Ma petite maman, peut-être auras-tu de la peine en apprenant que tu ne me reverras plus jamais, ou peut-être n'en auras-tu pas. Je te demande de ne pas te mettre en colère et de m'oublier, de continuer ta vie comme elle était avant que je sois née. Je doute que tu m'aimes encore. Je sais que je n'ai pas été gentille pour toi, mais ce n'était que des caprices d'enfant. Et malgré mon air un peu renfermé, je t'ai toujours aimée autant qu'une fille peut aimer sa mère. Si j'ai un caractère ainsi, c'est parce qu'en grandissant, je pense et je vois mieux. Je suis nerveuse et je ne sais pas ce que je dois faire pour bien faire. Je suis sûre que je vais être heureuse. Mes nerfs se calmeront dans la fatigue, la beauté de la nature, car j'aime beaucoup la campagne où j'ai été si heureuse. Je veux être libre et ne penser à rien. Peut-être devrais-je être partie depuis déjà longtemps, mais j'ai refusé l'offre qu'on m'a faite pour bien réfléchir avant de m'engager. J'ai souvent pleuré dans mon lit. Tout le monde croit que je suis ce dont j'ai l'air et personne n'a jamais su me comprendre. J'ai trouvé une amie qui admirait la liberté comme moi. Alors adieu. Ne te désole pas pour moi, je ne le mérite pas. Si tu m'aimes, sois heureuse. Je t'en supplie. Et ne fais pas de scandale. Adieu. Ta fille qui te demande pardon de tout ce qu'elle t'a fait et qui t'a fait beaucoup de peine. Je te dis franchement ma vocation. Enfin, ce que j'aurais voulu faire dans la vie et que je vais faire librement. Je voudrais être écrivain. Adieu. Centre d'accueil et d'observation de Chevilly. 25 avril 1955. Résumé de synthèse. C'est le second séjour d'Antoinette à Chevilly. Il ne semble pas, d'après les renseignements obtenus dans cet établissement, qu'Antoinette ait marqué quelques progrès importants. On la dit sans cesse en mouvement, égocentrique, sensuelle, ayant le constant désir de se donner en spectacle, dépourvue de sens moral. Son instabilité l'a rendue inapte à suivre aucun apprentissage. Elle voulait devenir monitrice d'éducation physique, orientation qu'on ne semblait vouloir encourager. De fait, le désir d'Antoinette est certainement lié pour une grande part à une fixation particulièrement vive sur son professeur d'éducation physique. Il n'était pas souhaitable qu'elle reste plus longtemps en contact avec elle. L'orientation de type homosexuel de la moralité d'Antoinette demeure. Elle en souffre d'ailleurs. Antoinette a fait part à certaines de ses compagnes de l'anomalie dont elle est atteinte. Et celles-ci, pour l'aider, lui ont montré l'homosexualité sous un jour tel qu'elle ne pouvait en tirer qu'un dégoût plus grand. Maintenir Antoinette en internat serait dangereux pour elle et ses camarades. Signé, Docteur Lemoal. Alors on va passer au dernier temps, au temps qu'on a nommé le temps des filles rebelles, pour la période la plus récente qui va des années 1960 aux années 2000. Alors le temps des filles rebelles, c'est-à-dire l'après mai 68, l'après année 68, le regard sur les jeunes filles va changer radicalement. Dorénavant, la société va demander aux adolescentes non plus d'être des oies blanches qui doivent tout ignorer de la chose, mais au contraire, elles doivent dorénavant tout savoir de cette même chose. Elles doivent tout savoir sur leur corps, elles doivent savoir maîtriser leur sexualité, elles doivent pouvoir exprimer leurs rêves, elles doivent pouvoir être l'égale de l'homme. Au cœur de ce moment, de l'après mai 68, qui est donc véritablement une rupture, une rupture très forte, il y a bien sûr le contrôle de la fécondité dans les années 60, le développement de la scolarisation secondaire, l'avancement de la majorité civile à 18 ans. Tout ça fait partie d'un contexte qui permet de comprendre le regard qui se modifie autour des jeunes filles. Le féminisme, d'une certaine manière, va porter les mauvaises filles, et du coup, on parle peut-être moins de mauvaises filles, plus de rebelles, qui est un terme parfois dans l'opinion publique plus positif. Des rebelles à qui on ne va plus reprocher de transgresser des normes, mais plutôt on va leur dire « Ah là, oui, vous êtes en train de défendre vos droits ». Donc elles ne transgressent plus, elles défendent des droits. Et ça, c'est vraiment le moment de l'après 68. Cette liberté, malgré tout, comporte des risques. On reste dans une vision de peur autour de cette liberté donnée au corps féminin. Et puis, le rêve de l'émancipation, parfois, reste un rêve. Enfin, le corps féminin, même dans l'après-mai 68, reste au cœur de la problématique de la déviance et de la perception qu'on peut avoir des jeunes filles. C'est un corps qui est à la fois magnifié, mais aussi scruté, convoité, objet. Et ça reste quelque chose de très fort, je pense, jusqu'à aujourd'hui, mais le débat nous permettra certainement d'en discuter ensemble. Si les jeunes filles ne sont plus perçues avec la même optique comme des mauvaises filles, c'est aussi le fait d'institutions de la justice des enfants qui vont desserrer petit à petit leur étau. Les institutions de la fermeture, de l'enfermement, sont de moins en moins importants à partir des années 70. On ouvre des foyers éducatifs et on met en place des mesures éducatives aux civils dans le cadre de la protection. Et ça va beaucoup être utilisé pour les jeunes mineurs. Donc c'est très, très important. En même temps, on se rend compte que ce contexte très particulier va engendrer parfois des formes de panique morale, comme si les jeunes filles, à l'égal des garçons, donc qui se battent comme les garçons, qui se meuvent dans l'espace public comme les garçons, étaient une forme de symptôme d'une civilisation, d'une société qui ne sait plus maîtriser même les jeunes filles. Non mais alors, si en plus elles forment des bandes de filles, vous vous rendez compte ? Où est-ce qu'on a tout perdu, là ? On a perdu tout l'ordre du monde. Bon, vous avez compris mon sourire. Voilà, et c'est vraiment ce contexte-là qu'on a essayé de travailler dans ce troisième temps des filles rebelles, avec trois de nouveaux thématiques. D'abord, la question de la rébellion, mais plus du tout la rébellion de Blanche dans les maisons de correction, mais plutôt la rébellion idéaliste de Patsy, dont David va vous parler tout de suite. Puis, la question de la sexualité et de la maîtrise de son corps et de la sexualité avec les années 70. Et enfin, on conclura sur la question de la panique morale. Alors, le nouveau visage de la rébellion dans les années 68, c'est bien sûr la hippie, qui est une figure importante des années 68, qui incarne cette hippie à la fois une forme de fascination. C'est la libération sexuelle, c'est la libération sociale, la critique sociale, la politisation de la jeunesse. Mais contrairement aux garçons qui sont d'une certaine manière tenants d'une forme de contre-culture, les filles sont assez vite considérées comme des paumées, c'est le terme qu'on retrouve souvent dans la presse à l'époque, comme des victimes idéales de la drogue, qui est la nouvelle menace contre laquelle il faut partir en guerre, c'est le terme utilisé au début des années 70, comme des fugueuses irrationnelles qui prennent la route pour suivre leur petite amie, ou comme des irresponsables manipulés par des gourous. Et on a revu encore à la rentrée littéraire un certain nombre de romans revenir sur ce thème des gourous qui manipulent les filles, en Californie notamment. Au contraire, quand on fait un travail d'histoire un petit peu précis, il nous semble que ces filles, ces mauvaises filles, sont au cœur des mouvements féministes et pacifistes dans ces années 60-70, que jamais leur rébellion n'a semblé plus politique et plus utopiste. Par exemple, leur participation à un mouvement qui annonce d'une certaine manière mai 68, qui est le mouvement Provo, qui se tient à Amsterdam, en Hollande, dans les années 66 et 67. La participation des filles est extrêmement marquée et importante. On y voit des filles qui parlent d'éducation sexuelle, des filles qui parlent d'égalité femmes-hommes, d'écologie, d'éducation libre pour les enfants. Bref, une véritable modernité dans ce mouvement. Et alors que la jeunesse accède à une forme de reconnaissance, on parle à l'époque de la montée des jeunes, et bien les filles restent quand même, d'une certaine manière, des marginales. On recourt toujours, dans ces années, à la fin des années 60, jusqu'au milieu et même à la fin des années 70, à des mesures de privation de liberté, moins systématiques qu'auparavant, mais néanmoins qui existent toujours, dans des internats de rééducation, dans des écoles de préservation, les anciennes écoles de préservation, dont le modèle est de plus en plus contesté. La libéralisation dans les institutions de rééducation est réelle, bien sûr. On tente de leur donner à ces filles une meilleure formation professionnelle. On forme désormais des sténodactylos et parfois même des comptables. On leur donne accès à des loisirs, bien évidemment. On les responsabilise dans ces institutions en leur donnant la parole. On leur permet de fabriquer des journaux d'institution. On fait des ciné-clubs, des disco-clubs, une sorte d'illusion de liberté. Mais ce mouvement est contrebalancé, et nos archives en témoignent, par des pratiques normatives persistantes. Je pense en particulier à un usage assez intensif dans certaines institutions des neuroleptiques, qui sont inventés à la toute fin des années 50 et très largement diffusés dans les écoles de préservation, internats de rééducation, au début des années 60. Et ces neuroleptiques, on les utilise, quand nous on regarde les archives, bien plus à des fins disciplinaires qu'à des fins thérapeutiques. La révolte gronde, donc, dans ces institutions, les archives en témoignent, les filles à qui on donne la parole s'en saisissent pour demander des droits. Et en effet, les grands internats fermeront leurs portes dans les années 70 sous le feu des critiques conjointes, des filles bien sûr, mais aussi de la nouvelle génération d'éducatrices sensibilisées à la question du féminisme. La question de la sexualité, vous l'avez compris, traverse toutes les périodes, elle est d'autant plus importante dans la dernière période. Tout d'un coup, on dit aux jeunes filles que tout est possible, hein, qu'elles ont le droit à une liberté sexuelle. C'est pas si simple, surtout quand la bascule se fait si abruptement. Et puis, ça reste très compliqué puisque tout repose sur les épaules des jeunes filles. C'est-à-dire que c'est à elles de trouver des moyens de contraception, c'est à elles de recourir à l'IVG à partir du moment où c'est autorisé, mais même quand ça ne l'est pas, alors même que l'IVG n'est pas encore autorisé, il y a des jeunes filles qui vont effectivement être dans la démarche soi-disant de la liberté sexuelle, mais c'est elles qui vont se retrouver enceintes et c'est elles qui vont devoir faire face à cet enfant que parfois elles n'ont pas désiré et qui parfois, avec lequel parfois elles ne sont pas accompagnées. Et c'est le portrait qu'on a écrit dans le livre d'Elisabeth, hein, qui a cette tentation de liberté, qui va fréquenter des garçons parce que l'air du temps lui dit qu'elle a le droit de fréquenter des garçons, mais qui va se retrouver en très grande difficulté parce que la fréquentation des garçons va se transformer en violence des garçons, c'est-à-dire en viol, et que suite à ce viol, elle va se retrouver enceinte et qu'il va falloir se débrouiller avec ça. Donc c'est important, hein, de montrer à quel point ce slogan de ce corps vous a, mon corps m'appartient est extrêmement important à inscrire dans ce moment-là, et que oui, des jeunes filles vont savoir pouvoir vouloir se saisir de ce slogan pour petit à petit aller vers des formes d'émancipation et de revendication, ça me semble très important aussi. Des jeunes filles vont continuer à se retrouver prises en charge dans le cadre de cette sexualité qu'on ne considère plus comme déviante, mais devient déviante d'être enceinte, par exemple, à 15 ou 16 ans. Alors, c'est normal d'avoir des relations sexuelles, ça ne pose plus beaucoup moins de soucis si on a des relations sexuelles hors mariage. En revanche, être enceinte à 15 ou 16 ou 17 ans, ça vous étiquette comme une jeune fille à problème. Et on va avoir des scènes assez ahurissantes dans les foyers éducatifs des années 80, puisque parfois les éducateurs vont donner à la béquée, je le dis de manière un peu ironique, mais c'est quasiment ça, la pilule tous les soirs aux jeunes filles placées, parce que On veut bien qu'elles aient des relations sexuelles, mais on ne veut pas qu'il y ait des conséquences à ces relations sexuelles. Ce qui montre la difficulté à penser ces questions-là encore dans les années 1980-1990. Et puis terminer comme une façon aussi d'ouvrir le débat tout à l'heure sur la question de la violence des filles et des paniques morales que suscite cette violence. Depuis le début des années 2000, vous en avez certainement été témoin, un certain nombre de statistiques pénales pointent une augmentation de la délinquance des filles mineures. On voit ça dans la presse régulièrement, comme des vagues, avec un accroissement des actes de violence. Les filles s'y mettent, comme dit Véronique, et donc c'est une sorte de signe de la crise morale dans laquelle nos sociétés seraient entrées. On parle de plus en plus des bandes de filles dans les médias, etc. Alors selon les observateurs, au mieux on assiste à un effet normal ou logique de la fin de la différence des sexes. Certains vont jusqu'à dire que c'est même une conséquence du féminisme, c'est une façon d'attaquer le féminisme évidemment. Certains, plus déclinistes je dirais, invoquent en effet une crise morale dont les filles seraient le marqueur, et comme si elles avaient la responsabilité comme ça d'être le marqueur de notre désarroi. L'annonce des chiffres de la délinquance féminine, nous semble-t-il, témoigne bien plus d'un emballement médiatique et politique que d'une réalité objectivable, et relève bien plus de ce qu'on appelle en sociologie des phénomènes de panique morale. En réalité, si la violence des filles fait régulièrement événement dans l'histoire, et on pourrait évoquer la litanie des moments où on s'est ému de cette violence des filles en remontant le temps, eh bien, c'est parce que c'est bien plus en raison de ce qu'on pourrait appeler un déni d'antériorité, un déni d'histoire, que parce que cette violence, elle est véritablement nouvelle. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage, de combler ce vide mémoriel pour arracher au passé, d'une certaine manière, ces figures de mauvaises filles. On a voulu montrer que de lentes évolutions existaient, que la conquête des droits enfin reconnus était à l'œuvre, en particulier à partir des années 68. Mais on a aussi fait ce constat ensemble dans la dernière partie du livre, qu'il persistait un certain nombre d'invariants et qu'hier comme aujourd'hui, finalement, toute perturbation de l'ordre des sexes prend le visage du risque et de la décadence. On peut se référer aux récentes élucubrations sur la soi-disant théorie du genre, alors que nous pensons que les mauvaises filles sont des figures de la modernité, de l'émancipation et surtout de l'égalité. Rapport médico-psychologique. Antécédents personnels. Anita est née à Vilvorde le 24 juin 1950. Après ses primaires où elle fut bonne élève, elle fit ses études moyennes, puis entra à l'école normale. Là, elle devint l'amie de Francine Lichtert, avec qui elle partage des idées d'indépendance, de liberté, etc. En 1966, Anita séjourne sur le bateau Provo, après avoir connu les milieux beatniks. En juillet-août 1967, elle se rend en France et en Italie en compagnie de quelques jeunes. Ils vivent de dessins et de poèmes. Avec son frère, elle participe au mouvement d'étudiants et adhère à certaines conceptions d'un bouddhisme révolutionnaire. Synthèse psychologique. Anita se présente en souriant. Elle entre facilement en contact, parle avec aisance, développe ses théories personnelles sur la société, l'existence. Vis-à-vis de ses parents, elle fait preuve d'un certain attachement à la figure maternelle. Le père est inexistant. Il n'a guère contribué à l'éducation de ses enfants. Il vit à l'étranger. Très bien douée intellectuellement, Anita manifeste un certain déséquilibre affectif. Égocentrique, indépendante, la mineure traduit de fortes tendances à l'instabilité. Se veut anticonformiste, refuse de vivre selon les lois de la société, expose avec fougue la philosophie beatnik. Dans ce sens, elle manque d'équilibre. Nous retrouvons chez elle un sentiment ambivalent. Tantôt poète, fine, sensible, émotive, tantôt tantôt brutale, cynique, hostile. Anita se veut libre, sans contrainte, ne s'engage pas. Elle se moque de son entourage. En conclusion, Anita ne peut vivre dans un groupe sans démolir son unité ou sa cohésion. Tous les thèmes, beatnik, liberté, indépendance, laisser-aller général sont diffusés et exercent une influence désastreuse sur celui-ci. Rapport médico-psychologique de l'élève Nicole. Antécédents personnels, données objectives. Nicole est née à Charleroi le 22 novembre 1953. Sa naissance était très mal acceptée par la mère. Il n'y a que 11 mois de différence avec la sœur aînée. Et par son père, elle ressemblait à la fille du premier mariage. Nicole a fugué à 5 ans. Lors de ses fugues ultérieures, elle rencontre des garçons et se méconduit. Les relations de la jeune fille avec son père ne sont pas saines. La mère n'a pas la santé physique et morale suffisante pour guider sa fille. Les sœurs sont agressives à son égard et refusent de l'intégrer. La mineure possède des richesses affectives qui n'ont pas été bien employées jusqu'à présent. Ses besoins affectifs non satisfaits à l'intérieur de la famille seraient peut-être à l'origine de son inconduite. Synthèse psychologique. Très jolie et souriante, Nicole se présente gentiment. Mais sous un extérieur assez calme et poli, elle dissimule une certaine révolte qui se manifeste dans un comportement opposé à toute forme d'autorité, de discipline, et à la moindre action éducative. Rapport médico-psychologique numéro 7115 de l'élève Défense Patricia, confiée au CIPE. Le juge de la jeunesse de Nivelles, en date du 2 août 1960. Antécédents personnels. Patricia est née à Dinan le 12-10-1953. Elle refuse toute autorité, toute discipline de vie. Elle considère les relations sexuelles avec l'un et l'autre jeune homme comme une preuve de sa liberté. Veut vivre largement, se montre peu affectueuse envers les siens et se laisse facilement mal influencer. Les techniques projectives nous révèlent une personnalité en marche, adolescente. D'un caractère encore un peu enfantin, Patricia craint de paraître gamin. Elle s'affirme et fait preuve d'esprit d'indépendance. Elle refuse toute contrainte. Face à l'autorité, elle se veut libre de vivre et d'agir à sa guise. Peu dynamique, n'ayant guère acquis le sens de l'effort, la jeune fille voudrait ne jamais travailler. Elle se montre assez instable. Les tendances à la fugue sont fortes. Patricia supporte difficilement son placement et ne peut guère résister à un climat d'insécurité. Elle veut jouir du moment présent comme elle l'entend et se laisse facilement entraîner. Ministère de la Justice, Office de la Protection de la Jeunesse. Rapport de synthèse concernant les mineurs, Patricia, Nicole et Anita. Ce samedi 24 août 1968, Patricia et Nicole m'annoncèrent qu'elles avaient décidé de partir. J'ai cru d'abord au chantage des deux mineurs. Elles allèrent dans leur chambre et à un moment donné, Nicole sortit et monta la garde devant la chambre de Patricia, m'empêchant de forcer celle-ci. Nicole refusa de rentrer dans sa chambre. C'est alors que les deux jeunes filles me menacèrent de prendre les clés. À ce moment, je me rendis compte que ce n'était plus du chantage, mais bien une tentative de fugue. Je me dirigeai alors vers le bureau pour avertir téléphoniquement la direction des difficultés que j'avais. Patricia et Nicole m'y suivirent. Elles se précipitèrent et arrachèrent le fil d'une lampe du bureau, croyant que c'était le fil de raccrochement du téléphone, et saisirent le cornet. Pendant que Nicole me tenait les mains et m'immobilisait contre la porte du bureau, Patricia cherchait en vain une paire de ciseaux pour sectionner le fil téléphonique. Je demandai à la troisième élève, Anita, jusque-là impassible, de me libérer de Nicole. Elle me répondit. Ce sont mes copines. Je les touche pas. Et d'ailleurs, elles ont bien raison de fuguer si elles en ont l'envie. Une deuxième fois, je le lui demandais, mais Anita refusait à nouveau. Je tentai à plusieurs reprises de joindre le téléphone afin d'avertir la direction. Mais les deux mineurs me barrèrent le chemin. Elles m'ont renversée sur le bureau. Je heurtai une armoire et elles me traînèrent au dehors de celui-ci. Elles me prirent les clés d'entrée, mais je pus les leur reprendre. Une nouvelle fois, elles me renversèrent et m'ont arraché les clés des mains. Nicole m'a immobilisée dans un coin pendant que Patricia essayait d'ouvrir la porte. La porte ouverte, elles se précipitèrent dehors et jetèrent les clés sur l'escalier. C'est seulement à 19h45 qu'il se fut possible d'avertir la direction. Pendant ce temps, quatre autres éducatrices étaient occupées avec Nicole, qui s'était hissée sur le toit de la loge de la conciergerie et qui n'en voulait pas descendre. J'ai demandé à la police de Saint-Servais de me porter aide. Et il a fallu la force des policiers pour la descendre. Elle fut amenée à la direction. Nicole a continué à hurler, soi-disant parce qu'elle avait mal au genou. L'infirmière, avec beaucoup de patience, lui a frictionné et bandé la jambe et a fait prendre à la jeune fille un calmant. En quelques instants, je me suis reposé la question. Faut-il à nouveau regrouper à la section spéciale ces jeunes filles qui nous ont donné de grosses difficultés ou les disperser en attendant une autre solution? Patricia a été prise en charge par le pavillon des Alouettes et mise en chambre d'isolement où la jeune fille s'est calmée. Quant à Nicole, qui continuait à hurler, j'ai fait appel au chef de pavillon des Boutons d'Or qui est venu la chercher. Celle-ci ne voulait pas démarrer, disant qu'elle ne savait pas marcher. On lui a dit de sauter à cloche-pied et qu'on la soutiendrait. C'est à ce moment qu'on a vu que Nicole continuait son chantage, car elle sautait sur le pied soi-disant malade. Quant à Anita, qui était restée impassible, elle fut interrogée par le docteur Arnoux qui lui a posé la question. Comment n'as-tu pas réagi? Et elle répondit. Je n'avais pas à intervenir. Elles sont bien libres et ont raison de vouloir sauver. C'est d'ailleurs deux gamines qui ne sont pas très intelligentes. Si elles avaient frappé l'éducatrice, à ce moment-là, je serais intervenue, en raison du principe de la non-violence. Comment voulez-vous encore faire de la rééducation quand vous avez des jeunes aussi profondément marqués par une telle philosophie? Saint-Servais, 27 août 1968, à Monsieur le ministre de la Justice de Bruxelles. Veuillez trouver 6 juin le rapport concernant la tentative d'évasion de Patricia et de Nicole. Étant donné la situation actuelle particulièrement difficile, nous avons fermé momentanément la section spéciale afin, d'une part, de détendre le personnel et d'autre part, de permettre de revoir certains aspects de cette section qui ne répond plus au but qui lui avait été déterminé ces derniers temps. Elle a été peuplée par des fugueuses. Le staff de direction se réunira incessamment afin de réétudier les problèmes qui se posent. Un rapport de synthèse vous sera transmis. Signé la psychologue. Le psychiatre. La directrice. Un grand merci à vous toutes et un merci particulier à Stanislas Sofanor du Conservatoire. J'ai un micro pour la salle s'il y a des questions. Alors l'idée c'est bien sûr de vous donner la parole, d'entendre vos réactions, vos questions, vos réflexions après cet exercice, si j'ose dire, qu'on vient de vous proposer. Là, Jenny, oui, s'il te plaît, pardon. Là devant. Oui, bonsoir. Je suis une ancienne mauvaise fille. On est trois ici à représenter les anciennes du Bon Pasteur. Et moi, personnellement, et ma camarade à côté de moi, on trouve scandaleux que la congrégation du Bon Pasteur puisse s'unir pour faire cette exposition. Après les maltraitances dont on a été victime, je pense quand même qu'elles ont un certain culot. Et ce que j'aimerais bien, c'est que dans la salle, il y ait des religieuses ou des laïcs de la congrégation du Bon Pasteur, parce que c'est franchement scandaleux après ce qu'on a subi. Et puis la lecture des dossiers m'a vraiment mis mal à l'aise parce que ça concerne peut-être des camarades à moi. Bon, je sais que vous avez pris des précautions au point de vue anonymat, mais on est encore complètement écorché à vif parce que ça fait 50 ans qu'on passe pour des putes. Je dis carrément le mot. Et on a été, mais je peux même pas vous dire si c'est de la maltraitance, on a été traité d'une manière abominable. Dans l'opinion publique, actuellement, ça continue. On passe toujours pour des traînées. Certaines filles n'ont pas encore pu parler, tellement elles ont honte vis-à-vis de leur famille et de la société. Donc j'espère bien les représenter. Votre travail, je ne le dénigre pas. Je n'ai pas lu votre livre. Je ne me permets pas de faire un commentaire. Par contre, je ne sais plus votre prénom. David, en tant qu'historien, vous auriez peut-être pu quand même aller aux archives judiciaires pour sortir les pièces des procès en justice. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elles ont été condamnées plein de fois. Et à l'exposition, je trouve que ça aurait été bien de les punaiser. Parce qu'il faut savoir qu'elles ont été à maintes fois condamnées pour exploitation des mineurs. Et ce que nous, on a vécu dans les geôles, c'est même pas imaginable. Parce que moi, je vous parle de morts et de filles qui sont mortes dans les cachots, de maltraitance et de faute de soins. Voilà, et c'est pour elles que je suis là ce soir. On entend ça très bien. Je pense que votre intervention va finalement dans le sens de ce qu'on a dit. La difficulté, et c'est bien qu'on puisse ouvrir un débat là-dessus, c'est comment on témoigne de ces souffrances-là, tout en préservant l'intimité et le droit à l'opacité, je dirais, le droit à la vie privée, le droit au secret pour les anciennes des bons pasteurs. Toute la difficulté, c'est d'en faire une question publique parce que ça doit être débattu, sans pour autant forcer les gens à se dévoiler ou à être exposés, effectivement. Donc, nous, notre position avec Véronique et avec un certain nombre de collègues qui travaillons sur ce sujet depuis fort longtemps, et puis croyez-moi, aux archives, les archives judiciaires, on en a soulevé des kilos, c'est que nous n'avons pas, en tant qu'historienne et historien, la clé de ce problème public. On a une voix parmi d'autres, un rôle à jouer, mais on n'a pas l'outrecuidance de dire qu'on a la solution. Ce qu'on souhaite néanmoins, c'est que ce problème soit posé dans l'espace public en France, comme il l'a été dans un certain nombre de pays, en Irlande évidemment, mais partout finalement, au Canada, en Australie. Récemment encore, je parlais avec des collègues, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte aux Pays-Bas, en Autriche. On demande finalement à un certain nombre d'acteurs sociaux de se réunir pour travailler sur cette question douloureuse. Et parmi ces acteurs sociaux, il y a les historiennes et les historiens, mais il y a aussi les anciennes et les anciens, parce qu'évidemment, on parlait également des garçons, mais des représentants également des congrégations, parce que c'est important que les congrégations aient leur voix au chapitre, si j'ose dire, des représentants de l'État, parce que l'État, dans cette affaire-là, est au cœur du problème. C'est lui qui... évidemment, c'est un lui impersonnel, mais c'est lui qui a ordonné le plus souvent la mise, l'enfermement d'un certain nombre de jeunes. Et donc, oui, je crois qu'il est temps, sans doute, d'avoir un vrai débat public et que cette question soit traitée de manière politique, c'est-à-dire dans une discussion pluraliste, parfois conflictuelle, parce que le conflit sert à avancer, mais également pour aboutir à un certain nombre de décisions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répare? Comment on reconnaît ces pratiques, en effet. Donc, oui, je suis en tout cas tout à fait disposé à ce qu'on puisse ensemble échanger pour avancer sur cette question du débat public. Moi, je ne peux faire que renchérir, juste deux mots, et je vous laisse la parole. C'est tout le but de nos travaux d'historien, qui datent pour moi de plus de 10 ans maintenant. Et les archives judiciaires, je les connais bien. Les archives des institutions, je les connais bien aussi. Et je crois que le travail des historiens, c'est de mettre en lumière ce qu'il y a dans ces archives, hein, comme l'ont fait très justement les comédiennes qui étaient autour de nous, c'est-à-dire de confronter à la fois les archives de l'institution et les archives qui donnent la parole aux jeunes filles. Et je trouve, je ne sais pas ce que ça vous a donné comme sentiment, mais que c'est ce travail de confrontation entre l'archive institutionnelle, la parole des filles, le vécu des filles, permet justement de dépasser l'étiquette de mauvaise fille et de remettre ces jeunes filles dans toute leur complexité, dans toute leur entièreté, et les recontextualiser dans une société qui les désigne comme mauvaises filles, alors qu'elles-mêmes, bien sûr, ne se vivent pas comme ça, en tout cas pas avant d'avoir passé les portes des institutions, parce que pour avoir rencontré beaucoup d'anciennes, je sais à quel point il est ensuite difficile, individuellement et collectivement, de se défaire de l'étiquette. Et c'est bien le danger des étiquettes, et c'est bien le sens historique du travail avec David. La suite, elle ne nous appartient pas, elle vous appartient à vous, et on est là pour le soutenir. C'est aussi dans ce sens-là que ce travail et que cette présentation ce soir a été faite. Je crois qu'il y a une autre question. Bonsoir. Je ne veux pas du tout remettre en cause le témoignage de madame. J'ai un autre point de vue, puisque j'ai été éducatrice au Bon Pasteur dans les années 65-68. Et je n'ai pas du tout connu, en tant qu'éducatrice, je ne suis pas religieuse, hein, je suis laïque, je n'ai pas du tout connu ce genre de situation de maltraitance que m'a dit madame. Bon, maintenant, je lui laisse, je comprends son témoignage, mais je voulais en apporter un autre qui est différent. Bonjour, je suis la fille d'une des anciennes du Bon Pasteur. J'ai beaucoup cherché à comprendre l'histoire de ma mère, en particulier en allant au tribunal avec elle pour aller consulter son dossier, qu'on ne nous a pas laissé le droit de prendre. J'ai trouvé ça inadmissible. On a réussi à avoir une heure pour consulter ce dossier entre un greffier et un avocat, sans crayon ni papier. Une histoire de 50 pages avec justement des éducateurs, avec l'histoire de ma mère qui, avec la section caractérielle, avec des piqûres de tranquillisants pour la calmer. Je suis beaucoup émue parce que je ne trouve pas normal qu'à 70 ans, elle soit encore blessée à ce point et qu'on ne lui laisse pas toucher à son histoire. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire du Bon Pasteur. Après, il y a d'autres institutions qui étaient dans la même partie. Et à chaque fois qu'on parle du Bon Pasteur, ah ben non, on ne savait pas. Personne ne le dit, ou alors je comprends pas pourquoi publiquement on le dit pas, et pourquoi les filles sont encore des mauvaises filles finalement, parce qu'à 70 ans elles le sont encore. Alors, juste pour répondre sur la loi est du côté des jeunes femmes qui ont été placées dans ce type d'institution, puisque la loi demande depuis 2002 à ce qu'elles puissent avoir accès à leur dossier individuel. Et avoir accès à leur dossier individuel, ça veut dire avoir une copie intégrale de ce dossier individuel. C'est la loi. D'accord. Et nous sommes plusieurs à être tout à fait disponibles pour accompagner les démarches auprès des tribunaux, auprès des institutions, afin que ces dossiers, tel que le demande la loi, vous soit confié. Il s'agit de votre dossier. Deuxième point, c'est extrêmement, et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, même si moi je suis historienne et extérieure, mais il y a en plus beaucoup de ces dossiers, je les connais bien maintenant, c'est extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Et c'est pour ça aussi que l'histoire est indispensable. Parce qu'il y a l'histoire individuelle, et puis après, il y a le contexte qu'on a essayé de vous poser, qui fait que parfois, ce qu'on trouve dans les dossiers est un tout petit peu plus, un peu plus lisible si on a tout le contexte général pour essayer de l'expliquer. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que moi aussi je suis émue, mais je pense que c'est extrêmement important d'accompagner les femmes qui souhaitent avoir et qui ont le droit d'avoir accès à ce dossier. Parce que la violence des propos, la violence de l'histoire racontée, le fait que ces écrits ont été écrits alors qu'on ne savait pas qu'un jour l'usager ou l'usagère pourrait les percevoir, donne des choses extrêmement violentes. Et on vient revivre des choses qu'on n'est pas forcément prête à revivre. Et en plus, encore une fois, hein, avec un vocabulaire et des stéréotypes et des jugements de valeur extrêmement lourds. Donc, par expérience, je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir être accompagné au moment où on découvre, où on lit, où on reprend ce type de document. Je l'ai beaucoup fait avec des anciens, puisque je travaille dans une institution qui est aujourd'hui un lieu d'exposition, mais qui a accueilli 25 000 garçons entre 1945 et 1975. Donc ce travail d'accompagnement éducatif et historique, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Et je conseille toujours aux anciennes que je rencontre ou que j'ai au téléphone de ne pas faire ça seule et de faire ça en essayant de prendre un maximum de précautions pour se remettre dans un contexte général par rapport à sa propre histoire individuelle. D'ailleurs, pour compléter, il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place un dispositif à la fois pour avoir accès à son dossier, ça c'est normal, comme en France, mais aussi pour être accompagné par quelqu'un qui va faire médiateur ou médiatrice. Je pense au Québec en particulier. Merci. Merci. Il n'est pas facile de prendre la parole quand on a entendu des témoignages aussi vifs d'un côté et de l'autre. Je voudrais quand même apporter le mien. Excusez l'émotion, c'est pas grave. Il se trouve que j'ai adopté une fille qui s'appelle d'ailleurs Anita, qui a vécu au Bon Pasteur, ici à Angers. Et par elle, j'ai connu d'autres jeunes filles qui étaient aussi ici, dans différents foyers, toujours avec les religieuses de Bon Pasteur. Il se trouve que par le fait du hasard, je viens de passer une après-midi à faire du Scrabble avec une d'entre elles. Je lui ai proposé de venir, malheureusement, elle avait rendez-vous ce soir. Donc ce sont des liens qui ont perduré. Maintenant, ma fille adoptive est grand-mère. Je suis donc arrière-grand-mère. Et combien de fois elle m'a dit quelle chance j'ai eue d'être au Bon Pasteur. Je serais restée dans ma famille, ça aurait été une catastrophe. Et jamais je n'aurais eu l'évolution que j'ai pu avoir, même si ça n'a jamais été facile. Et je peux vous dire qu'elle a fait partie des rebelles, en se murant dans sa chambre, en bloquant les portes avec des armoires, en disant ce qu'elle avait à dire et en fuguant un nombre de fois incroyable. Mais elle a toujours retenu que l'éducation qu'elle avait eue et une forme de compréhension et le fait de pouvoir aller à l'école, ça avait déjà été extraordinaire. Ses amis avec qui je viens de passer une après-midi m'ont encore dit la même chose. On serait resté avec notre mère qui était complètement immature et absolument insouciante et égocentriste. On ne sait pas où on en serait. Ça n'a jamais été facile d'être comme on est en pension, ce n'est jamais facile. Mais encore aujourd'hui, elles vont régulièrement voir celle qui leur a tenu lieu d'éducatrice, une religieuse qui a 83 ans et qui est ici. Il se trouve qu'il y a deux week-ends, il y avait un grand week-end famille du Bon Pasteur, c'est-à-dire les personnes associées qui ont travaillé ou travaillent encore avec le Bon Pasteur. Nous y étions sur la question des migrants, qui me tient à cœur. Bon. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer là trois femmes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, parce qu'on mangeait ensemble, nous sommes trois, nous avons 72 ans, nous venons de Marseille ici, tellement nous avons de bons souvenirs du Bon Pasteur. Et malheureusement, dit l'une d'elles, je n'ai pas eu cette chance. J'ai été élevée par ma grand-mère. Mes deux sœurs ont eu un destin, un avenir positif. La preuve, c'est qu'elles sont ici. Et moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Et je pourrais vous multiplier les témoignages. Alors ce soir, du point de vue historique, c'est très intéressant ce que vous avez fait. Et c'est indéniablement indispensable. Avoir le point de vue des filles qui ont souffert, déjà avant même d'arriver au Bon Pasteur, et au Bon Pasteur et ailleurs, c'est absolument indispensable. Et vous l'avez fait de façon très claire. Mais j'ai eu le sentiment, presque tout le temps, notamment même à la fin, mais l'humour était aussi là, dans la façon de lire le récit de l'éducatrice qui se voit violentée par les filles parce qu'elles veulent fuguer, qu'il y avait par moments comme une petite touche, une petite envie d'un procès à charge. J'ai eu cette impression. Et je me dis que maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait une suite à votre livre et que vous donniez le point de vue d'anciennes éducatrices, religieuses et familles éventuellement de filles du bon pasteur pour compléter ce que vous avez fait et qui est sûrement très appréciable. Merci de votre témoignage. Écoutez, ce livre, il va venir. Maintenant, ce ne sera pas forcément un livre qui donnera, puisque je l'ai dit en introduction, on travaille déjà ici à l'Université d'Angers depuis 2 ans avec la Congrégation du Bon Pasteur pour faire un premier tour d'horizon de ce qui a été leur histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on doit dire qu'on travaille très bien dans leurs archives. Maintenant, ce livre, on s'inscrit absolument pas dans l'idée de faire un procès à charge ou à décharge. En fait, l'histoire, c'est pas rejouer un procès hypothétique ou imaginaire. Ce qu'on veut, c'est simplement effectivement donner d'abord un témoignage le plus objectif possible de ce qui s'est passé. Enfin, ça reste quand même ça d'abord l'histoire. Et puis donner la parole à toutes en l'occurrence. Et effectivement. À travers ce livre sur la congrégation du bon pasteur, on va aussi donner le point de vue des sœurs. Et en particulier, chose qu'on a évoquée ici, même si notre regard est allé plus du côté des filles et effectivement des formes de discrimination dont elles étaient victimes, évoquer les différentes trajectoires et les différents parcours très contrastés à partir des années 50 en particulier qui pouvaient avoir lieu dans ces institutions. C'est-à-dire que dans ces institutions, à partir des années 50, on pouvait avoir la chance de sa vie, comme vous le disiez, et devenir, en effet, comme je le disais tout à l'heure, comptable ou sténodactylo, ce qui était une forme de promotion sociale pour certaines jeunes filles. Mais à contrario, les archives le montrent aussi, il y a une forme de permanence aussi d'un certain nombre de disciplines, d'un regard médical, psychiatrique, qui reste là, pas pour toutes, mais pour une partie d'entre elles. Et puis, je dirais finalement que cet argument selon lequel on pourrait justifier des pratiques autoritaires dans les institutions sous prétexte que les familles sont défaillantes est un argument qui peut se discuter. Effectivement, un certain nombre de jeunes filles qui arrivent au Bon Pasteur viennent de familles déstructurées, comme on dit, de familles en grande situation de précarité. Mais en aucun cas, ça justifie que le traitement soit pas, ou que les opportunités qu'on leur donne soient pas égales. En tout cas, c'est, me semble-t-il, un argument très conjoncturel que de dire ça. Il y a une autre question. Comme il y a beaucoup de questions, on va avancer. Il y aura aussi les moyens ensuite de poursuivre la conversation, même si ce n'est pas sous la forme de grand forum. Bon, je partage effectivement le sentiment de présentation à charge. J'ai eu l'impression que vous teniez un discours de stigmatisation de l'institution éducative judiciaire dans le prolongement des travaux, évidemment, de Michel Foucault, que vous avez cité, sa notion de grand enfermement. Lui, effectivement, travaille plus sur le 18e siècle, 17e et 18e siècle. Puisque vous dites que ces choses peuvent rebondir dans le débat public, il y a une grande sensibilité aujourd'hui aux questions de victimisation, et donc évidemment beaucoup de personnes vont se saisir de cela, et je ne porte pas de jugement si ce n'est que cela génère une ambiance assez délétère. Cette question de la victimisation à outrance et des revendications personnelles. Mais que faites-vous ? Enfin, il y a une chose qui est très présente dans le débat public en ce moment, qu'on peut associer à la notion de mauvaise fille. Ce sont les filles, ces jeunes filles, qui s'engagent dans le djihadisme et par rapport auxquelles l'État essaie de mettre en place des formules qu'on qualifie de déradicalisation, qui ne touchent évidemment pas que les jeunes filles, on est bien d'accord, mais tout de même, cette notion de mauvaise fille, si elle peut rebondir aujourd'hui et si elle rebondit réellement dans le débat public, c'est bien au travers de cette question, me semble-t-il. Alors, c'est tout ça est bien compliqué. Et c'est la situation de l'historien, de l'historienne hein, aussi qui est complexe, puisque vous voyez, nous avons dit une chose. Certains ont entendu que nous étions plutôt du côté des institutions et pas assez des filles. Et d'un autre côté, on a entendu qu'on était à charge contre les institutions et beaucoup trop dans le discours victimaire autour des jeunes filles. Alors, ce qu'on a vraiment tenté de faire, alors après, avec toutes les défaillances qu'il peut y avoir, hein, c'est de garder notre posture d'historien, d'historienne, de partir des sources, des archives, de les confronter, de se remettre tout cela, et j'y tiens, c'est très important, dans le contexte des époques, et c'est aussi pour ça qu'il y a des temps chronologiques qui transforment les regards sociaux sur ces jeunes filles, et on a essayé effectivement d'éviter à la fois la victimisation et l'héroïsation. On a vraiment tenté, alors c'est compliqué, c'est un fil peut-être très ténu, hein, d'essayer surtout de sortir les jeunes filles, mais toutes les jeunes filles, pas seulement finalement celles qui seront étiquetées comme mauvaises filles, toutes les jeunes filles, de les sortir de l'ombre pour essayer de réfléchir à comment notre société, à travers ces 200 dernières années, a des attentes très précises, spécifiques, particulières sur les filles, sur leur corps, sur leurs attitudes et des attentes très différentes de celles sur les garçons. Voilà ce qu'on a tenté de faire et en vous écoutant, on se dit que c'est bien, bien ténu et bien compliqué et qu'il faut continuer hein, à discuter, à réfléchir, à débattre et qu'on est loin d'avoir totalement réglé la question. Sur le djihad, je ne vais pas répondre. Parce que tout simplement, je n'en ai pas les compétences scientifiques. C'est-à-dire que là, si je vous réponds, je vais faire la discussion de bistrot, et on n'est pas là pour ça. Je suis historienne, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas travaillé sur cette thématique-là, et donc je ne suis absolument pas en mesure de vous répondre de manière, avec des sources, avec des archives, avec le recul de l'histoire, je ne suis pas en capacité de répondre sur cette nouvelle figure de la mauvaise fille qui serait la djihadiste, mais je sais que David va en dire un mot et je pense aussi qu'on est toujours au cœur de la problématique en revanche, hein, qui est ces formes de discours autour de comportements du féminin et ça rebondit sur la fin de notre intervention autour aussi de ces paniques morales. Hein. Alors si elles sont aussi terroristes, on est vraiment dans une décadence terrible de notre société. C'est ce que j'allais dire. Oui, je pense que de toute façon, le temps va nous être compté. Il n'y a pas d'autres questions. Mais je n'ai pas le micro, moi, je ne peux pas vous... C'est moi qui ai le micro, là. Bonjour. Alors, ça va être la dernière question, et puis ensuite, on débattra tous ensemble, je pense. Enfin, c'est Jenny qui tient la montre. Ouais. Moi, du coup, j'ai 23 ans, donc je n'ai pas connu le bon pasteur, je n'ai personne de ma famille qui y allait, etc., ou qui y a travaillé. Et par contre, je voulais vous remercier parce que cette conférence m'a beaucoup aidée à comprendre à quel point la question des mauvaises filles, en fait, c'est un angle de vue très intéressant pour les questions féministes actuelles. Et du coup, je suis très contente de voir d'où ça remonte à partir des années 1840, effectivement. Et du coup, j'ai été un peu étonnée par contre le fait que vous avez beaucoup présenté des jeunes filles de milieux populaires dans votre ouvrage. Et moi, je suis pas du tout d'un milieu populaire. Je suis étudiante à la Cato. J'ai une super bonne situation sociale et extraction sociale. Et je voulais juste vous dire que en 2016, même en venant de ces milieux-là, on ressent toujours cette pression à être une bonne fille, à ne pas être un garçon manqué, surtout, et à bien se comporter, etc., que la pression sociale est toujours là. Et du coup, je trouve ça chouette qu'on en parle, et je trouve que les rétrospectives, c'est chouette pour ça. Donc voilà, je voulais vous dire merci, et je voulais vous dire aussi de ne pas oublier les filles actuelles, même si on les appelle plus mauvaises, et les filles de bonnes conditions sociales aussi. Merci de cette intervention. En fait, la raison pour laquelle on parle des filles des classes populaires, c'est que finalement, j'aurais dû le préciser, l'outil qui sert à discipliner les filles et qui nous sert à les observer à travers le temps, c'est la justice. Et vous l'avez compris, justice civile, justice pénale. Et le fait est, quand on y travaille, et longtemps, et qu'on fait des statistiques, que la justice s'intéresse beaucoup plus aux filles des classes populaires qu'aux filles des classes bourgeoises. Parce que, tout simplement, les filles des classes bourgeoises, les familles ont d'autres ressources pour discipliner leurs mauvaises filles. Et là, en ce sens, on pourrait aller dans votre sens et dire, en effet, il n'y a pas que les filles des classes populaires qui sont des mauvaises filles. Et tout à fait, alors, je suis d'accord avec vous. Les petites bourgeoises sont également des mauvaises filles. Simplement, elles ne sont pas traitées par les mêmes institutions. Elles ne laissent pas les mêmes traces dans l'histoire et dans les archives. Et nous, elles sont en dehors de notre radar, d'une certaine manière. Mais donc, voilà, c'est un biais, il faut le savoir. Et ça donne matière à réflexion. Et puis enfin, sur ce que vous venez de dire, ce qui est votre actualité à vous en tant que femme et en tant que jeune femme, bien oui, c'est ce qu'on a essayé de dire finalement dans ce livre qui pourrait en somme se résumer dans la formule suivante. Les mauvaises filles d'hier sont les adolescentes d'aujourd'hui. Donc c'est tout à fait ce qu'on a voulu dire d'une certaine manière. Merci beaucoup. Je crois que l'heure nous demande d'arrêter. On va aller signer notre livre avec plaisir pour ceux et celles qui le souhaitent. Il y a aussi, je crois, un buffet qui va s'ouvrir. Et on est bien sûr aussi disponible pour continuer la conversation. Merci à vous. Merci. La signature va avoir lieu juste ici du livre pour ceux qui souhaitent se procurer. Et vous êtes bienvenus au buffet pour le vernissage de l'exposition. Merci.